Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. C'est fini le temps. C'est fini le temps. C'est fini le temps. C'est fini le temps. Je me souviens des billes et des box dans la cour. À l'époque, on courait après les filles sans leur faire la cour. Je me souviens des siestes, l'après-midi. Je me souviens que c'était bien de pas avoir de soucis. Je me souviens quand nous étions amis. J'ai la nostalgie d'un passé rose flashy. Mon premier smack, mon premier track, mes premiers trocs, mes premiers chocs, ma première claque, ma première clope, mes premiers potes, mes derniers sips. Et comme tous les garçons et les filles de mon âge, c'est tant bien que mal de tourner la page. Je me rappelle les sarbacanes dans les cours de maths, de mes shoes qui courent vite, je chaussais du 34. Mon petit frère était blond et marchait à quatre pattes. Un beignet bien doré m'attendant mon cartable. Je me souviens du skate dans une banlieue de Paris, des cabanes dans les arbres, des mammouths et des fourmis. Hier encore j'avais 8 ans et j'étais au paradis. Je me souviens de l'odeur de mamie et de papy. Elle s'accroche dans mon cœur comme le lierre à la façade. Comme ce chaton qui meurt écrasé par un 4x4. Comme une mère en pleurs même si je ne sais pas pourquoi. Comme un gosse sans peur avec ses choses qui courent vite. Étouffé dans l'insouciance, je me rappelle du quotidien. Pas de pitié pour les croissants et Dorothée tous les matins. Je me souviens, je pouvais encore croire en mes rêves. Devenir chirurgien ou footballeur professionnel. Ma voisine d'à côté me rappelle à nerf d'Annette. Comme dans premier baiser, je voudrais l'attraper par les couettes. Ma gage complexe, le stress m'empêche d'échanger des mocassins beige contre mes baskets. Propulsé dans la vie active comme un Kamehameha. J'ai pas de madeleine dans la bouche, mais du Coca-Cola. Ça se passe comme ça. Camouflé comme une tortue ninja. Quel est temps, moi, croquant la vie comme Blanca. C'est fini le temps. Six chaînes qui grésillent et mon magnétoscope. C'est fini le temps. Des consoles, des joysticks, Sonic et Mario Bros. C'est fini le temps. Quand c'était pas les acidiques, mais les courses de cross. C'est fini le temps. Des pistolets en plastique et des costumes de cow-boy. C'est fini le temps. Six chaînes qui grésillent et mon magnétoscope. C'est fini le temps. Des consoles, des joysticks, Sonic et Mario Bros. C'est fini le temps. Quand c'était pas les acidiques mais les courses de cross. C'est fini le temps. Des pistolets en plastique et des costumes de cow-boy. C'est fini le temps.